J'en avais assez de toi, assez de moi. Casser notre bocal, admirer toutes nos failles. Espace, assez pour moi. Marcher sans te voir, remuer sans nageoire, sortir de l'eau et croire en moi, en moi. Acheter des armoires, balancer ta mémoire dans le lac, dans le lac, dans le lac, dans le lac. Loger mes passions, mes amitiés s'accroissent. Spontanément, tout retrouve sa place, tandis que toi, tu t'effaces. Plus de plongée, plus de comparaison, la respiration se fait mieux sans poisson. Depuis que tu n'es plus là, je me sens mieux, je respire l'audace. Assez.